بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue les frères نتكلم اليوم عن أوصاف أهل السنة والجماعة nous allons parler aujourd'hui des caractéristiques des gens de la sunna et du groupe. ولذلك اخترت بعض الفتاوى للعلامة ابن العثيمين رحمه الله. Et pour cela, j'ai choisi certaines fatawa du très savant ibn al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde. فسئل رحمه الله من هم أهل السنة والجماعة. Il a été interrogé. Qui sont les gens de la sunna et du groupe? Fa'ajaba rahimahullah. Il a répondu en disant qu'Allah lui fasse miséricorde. Ahlu sunnati wal jama'a humul ladhina tamassaku bis sunnati wajtama'u 'alayha. Wa lam yaltafitu ila siwaha. Il a répondu en disant les gens de la sunna et du groupe sont ceux qui se sont accrochés à la sunna et se sont unis sur celle-ci. Et ne se sont pas détournés vers autre qu'elle. فَأَنْتُمْ تُلَاحِظُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرْ فَقَطْ التَّمَسُّكْ بِالسُنَّةِ وَتَرْكِ سِوَاهَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ كَذَلِكَ Vous pouvez remarquer qu'il n'a pas cité que le fait de s'accrocher à la sunna, ni le fait de délaisser autre que la sunna. Mais il a aussi cité le fait de s'unir sur cette sunna. فَلَمْ يَلْتَفِتُ إِلَى سِوَاهَا لَا فِي الْأُمُورِ الْعِلْمِيَّ الْعَقَدِيَّةِ ولا في الأمور العملية الحكمية ولهذا سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. Et donc ils ne se sont pas intéressés à autre que cette sunna, que cela soit dans les sujets scientifiques de la croyance ou alors les actes liés à la jurisprudence. Et c'est pour cela qu'ils ont été appelés les gens de la sunna. Parce qu'ils s'accrochent à celle-ci. Et ils ont été appelés les gens du groupe parce qu'ils sont unis. Ils sont unis sur cette sunna, unis dans ce groupe. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المناهج العقدية أو العملية مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدع. Et ensuite il continue en disant rahimahullah, si tu médites sur la situation des gens de l'innovation, tu remarqueras qu'ils divergent dans ce sur quoi ils sont, que ce soit dans la voie à la croyance ou les œuvres, ce qui montre qu'ils sont loin de la sunna. Ce qui montre qu'ils sont loin de la sunna en fonction de tout ce qu'ils ont inventé comme innovation. Et donc, leur division, les gens de l'innovation, leur division montre qu'ils sont loin de la sunna. Nous devons méditer sur cela, nos frères. Mes frères, nous devons méditer. L'importance de l'union dans notre religion. فأهل البدع مع طوائفهم المختلفة مجمعون على مخالفة الكتاب مع أنهم مختلفون في الكتاب. Et donc les gens de l'innovation avec tous leurs groupes confondus, sont tous unanimes sur le fait de s'opposer au livre. Le fait de s'opposer au Coran et à la Sunna. Alors qu'ils sont divisés entre eux. Alors qu'ils sont divisés entre eux. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَكُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Vous les voyez unis alors qu'en réalité ils sont divisés. Cela parce que ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Ce sont des gens qui ne raisonnent pas. La division est un grand mal, ô mes frères. Beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce que Cheikh Rabia, à chaque fois quand il parle, il dit « Ijtami'u, Ijtami'u, unissez-vous, unissez-vous, délaissez la division, délaissez la division ». Certains même disent « Ah, c'est tout le temps le même discours ». C'est tout le temps le même discours. Parce que cela fait partie des fondements de notre religion. Celui qui n'a pas compris ça n'a pas compris ce que c'est que Ahl Sunnati wal Jama'a. Celui qui n'a pas compris l'importance de l'union n'a pas compris ce que c'est que Ahl Sunna wal Jama'a. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Et accrochez-vous tous, cramponnez-vous tous à la religion d'Allah et ne vous divisez pas. Cela fait partie des fondements de cette religion. Et ensuite, le cheikh, rahimahullah, il répond à une autre question. Su'ila an abrazi khasa'isil firqatin najiyah. Et donc, les musulmans sont divisés. Il y a plusieurs groupes. Vous avez tous entendu parler, donc, du hadith, hadith al-iftiraq, le hadith de la division. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72, et que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous dans le feu, sauf un, le groupe sauvé. Le cheikh ici, il est interrogé concernant les caractéristiques ou les spécificités les plus apparentes du groupe sauvé. Qu'est-ce qu'il y a chez eux qu'il n'y a pas chez les autres ? Quelles sont les spécificités les plus apparentes du groupe sauvé ? وَهَلْ النَّقْصُ مِنْ هَذِهِ الْخَصَائِصِ يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ. Et est-ce que les manquements concernant ces spécificités font sortir l'individu du groupe sauvé ? Cette réponse qui va nous prendre tout le reste du cours, Inch'Allah ta'ala. Le cheikh, il dit donc, أبرز خصائص الفرقة الناجية هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة فهذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها. Il nous dit donc, les spécificités les plus apparentes du groupe sauvé sont le fait qu'il s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la aqida, dans la croyance, dans l'adoration, dans le comportement et dans les échanges en commun. Et tu trouveras le groupe sauvé dans ces quatre sujets se distinguer des autres. Dans ces quatre sujets, فَأَنْتُمْ تُلَاحِذُونَ أَنَّ الشَّيْخ أَدْخَلَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الْعَقِيدَةِ الْأَخْلَاقِ وَالْمُعَمَلَاتِ. Vous remarquez que le cheikh, il a cité dans ces points le comportement et les échanges que les serviteurs vont avoir les uns avec les autres. Beaucoup négligent ce point. Al-akhlaq, alhamdulillah, je suis sur la sunna. Inch'Allah, ça va venir, l'akhlaq, ça va venir. Mensonge, mauvais comportement, etc. Ne pensez pas que ces sujets-là sont négligeables, les frères. Ne pensez pas que cela est négligeable. Cela fait partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Al-ulama, al-salaf, yahtamouna kithiran. Bil akhlaq. Les ulama, les salafs, Les pieux prédécesseurs accordent une grande importance au comportement. أخرج أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناده إلى سفيان الثوري أنه قال كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. Abu Nu'aym al-Asbahani l'a cité dans son livre « Hilyatul Awliya » avec sa chaîne de transmission jusqu'à Soufiane al-Thawri qui dit « L'homme, lorsqu'il voulait écrire le hadith, c'est-à-dire il voulait étudier le hadith, lorsque l'individu voulait apprendre la science, lorsqu'il voulait faire talab al-ilm, il adoptait un bon comportement. Ta'addab. Il apporta un bon comportement. » Et ça donnait à l'adoration, et cela 20 ans avant. 20 ans avant. Cela nous montre l'importance que ces gens-là accordaient au comportement. L'un d'entre eux, avant d'aller étudier, avant de s'asseoir auprès d'un cheikh, il regardait le comportement du cheikh et sa salat, comment il faisait. Pourquoi ? Parce qu'ils accordaient de l'importance au comportement. Wa antum ta'rifun qiss al-qissa al-mashhura an umm al-imam Malik. Vous connaissez tous l'histoire connue de la mère de l'imam Malik. Annaha qalat lahu idhhab ila Rabi'a wa khudh min adabihi qabla an ta'khudha min ilmihi. La mère de l'imam Malik qui lui a dit « Va voir Rabi'a, le cheikh, le professeur de Malik. Va voir Rabi'a et prends de son comportement avant sa science. » Allahu Akbar. Prends de son comportement avant sa science. « Wa hadha muhim ya ikhwa » Cela c'est très important, mes frères. « Law anna hadha al-sheikh alladhi tadrusu indahu la ya'rifu al-adab » يسب الناس ويستهزئ بهم ويرمي البعض بالعهر ويكذب ماذا ستتعلم منه. Si cette personne chez qui tu vas étudier ne connaît pas le comportement, les bonnes mœurs, et qu'elle insulte les gens, se moque d'eux, traite certains de fornication ou ment, qu'est-ce que tu vas étudier chez cette personne? Le comportement est très important, les frères. Il faut accorder une très grande importance à cela. Et c'est pour cela que Ahlul Hadith, allafu kutuban fi hadha al-bab. Et c'est pour cela que les gens du Hadith ont écrit beaucoup de livres concernant ce sujet. Wa min ashhariha al-adab al-mufrad lil-Bukhari. Et parmi les livres les plus connus, il y a l'adab al-mufrad lil-Bukhari. والحمد لله فقد نمر في هذا المسجد بكثير من احاديث هذا الكتاب. Et par les louanges d'Allah, nous louons Allah tabaraka wa ta'ala qui nous permet dans cette mosquée d'aborder plusieurs ahadith de ce livre concernant les mœurs, le adab, le comportement. Et ensuite le cheikh Ibn al-Uthaymin il dit ففي العقيدة تجدها متمسكة بها تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص في ألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. Il dit donc dans la croyance tu le trouves, c'est-à-dire tu trouves ce groupe accroché au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans le monothéisme pur, dans l'adoration d'Allah, dans sa seigneurie et dans ses noms et ses attributs. Wa fil ibadat tajidu hadhihi al-firqata mutamayyizatan fi tamassukiha التام وتطبيقها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم Et en ce qui concerne les actes d'adoration, alors tu trouves ce groupe se distinguer par son accrochement ferme à l'application de ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil ibadat, fi ajnasiha, wa sifatiha, wa aqdariha, wa azminatiha, wa amkinatiha, wa asbabiha. Et donc ils sont accrochés à cette sunna, au livre et à la sunna, dans l'adoration, que ce soit donc dans le genre, dans la description, le nombre, le lieu, excusez-moi, le temps, le lieu et les causes. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Oui? On avait déjà vu ça. Hein? On avait donné un exemple, alors on va choisir quoi? On avait donné un exemple pour le genre. Tous les actes d'adoration que tu fais doivent être en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit dans les 6 qu'on vient de citer, on avait cité le genre et on avait donné un exemple pour chacun. Quel exemple on avait cité pour le genre? Les bêtes concernant le sacrifice du Eid. C'est un genre spécifique. Tu ne peux pas venir et dire ah, aujourd'hui, moi je vais montrer cette année que j'aime Allah, je vais égorger un éléphant. Ou alors te dire, j'ai pas les moyens d'acheter un mouton, je vais égorger une poule. Non, ce sont des bêtes spécifiques. On avait vu ça? Alhamdulillah, mashallah, les frères se rappellent. Et donc le cheikh, il continue en disant, فَلَا تَجِدُ عِنْدَهُمْ إِبْتِدَاعًا فِي دِينِ اللَّهِ. Tu ne trouves pas chez eux, donc chez les gens de la sunna, tu ne trouves pas chez eux d'innovation dans la religion d'Allah. بَلْهُمْ مُتَأَدِّبُونَ غَايَةَ الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au contraire, ils adoptent un comportement exemplaire avec Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. فَلَا يَتَقَدَّمُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي إِدْخَالِ شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Il dit donc, et ces gens-là, les gens de la sunna, ils ne devancent pas Allah et son messager dans le fait de faire rentrer quoi que ce soit dans l'adoration alors que Allah ne l'a pas autorisé. Rappelez-vous mes frères, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli. Oh vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Tu ne vas pas venir et introduire un acte d'adoration, je pense que c'est comme ça, ou ça doit être comme ça, ou, non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout montré. Suis sa sunna, accroche-toi à celle-ci. Et c'est comme cela que tu vas réussir. Barakallahu fikum. Ensuite, le cheikh, il continue en disant, wafil akhlaq. Tajiduhum kadhalika mutamayyizin. عن غيرهم بحسب الأخلاق كما حبت الخير للمسلمين. Il dit, et dans le comportement. Tu les vois de la même façon, ils se distinguent des autres. Ils se distinguent des autres par le comportement, comme le fait d'aimer le bien pour les musulmans. Allahu Akbar. Le fait d'aimer le bien pour les musulmans. Mais ça, c'est magnifique. Tajidu al-rajul yadrus inda al-ulama yarji' ila fransa yajidu ba'd ad-du'at lam yajlisu inda al-ulama fatratan tawila kama jalasa huwa walakin an-nas yastafidun an-nas ala khair turidu lahum al-khair. فليستمروا الحمد لله وانت انت تعاون انت تعين اخوتك ولا تكون حاسدا. Et donc tu vois une personne qui va étudier auprès des ulama et ensuite il retourne en France et il voit qu'il y a peut-être parfois des prédicateurs qui n'ont pas étudié auprès des savants aussi longtemps que lui, mais ils font du bon travail, machallah, les gens profitent. Tu veux le bien pour les musulmans? Laisse-les continuer, alhamdulillah. Les gens profitent. Laisse-les continuer, et toi tu viens, et vous vous entraidez entre frères, alhamdulillah. Mais comme on voit souvent, venir, non, et non, ne venez pas, ou autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Tu veux le bien pour tes frères? Laisse-les continuer, alhamdulillah. Regardez comment la sunna s'est propagée en France, Allahumma barak. Alhamdulillah, laisse les frères continuer leur travail. Sous prétexte qu'ils n'ont pas étudié aussi longtemps que toi, tu te permets de faire ce désordre. Et donc mes frères, regardez donc ce que le cheikh il nous cite ici. Le fait d'aimer le bien pour les musulmans. Et chacun d'entre nous se remet en question sur ce sujet. Est-ce que tu veux le bien pour tes frères? Parce qu'on a malheureusement un problème. À chaque fois, on trouve des problèmes, mais on ne trouve pas de solution pour nos frères. On ne trouve pas de solution. Ah, là-bas, les frères, ils n'ont pas étudié. Faut pas étudier chez eux. Ni la langue arabe, ni rien du tout, ils n'ont pas étudié. Ah ouais, mais il n'y a personne dans la région, personne n'a étudié. Ils font comment? Ben, alhamdulillah, ils font la salat, la zakat, et alhamdulillah. Alhamdulillah, les frères, ils profitent. Il y a un frère qui traduit les paroles des ulema. Les frères, ils s'assiedent, ils profitent, ils avancent dans la sunna. Laisse-les continuer. Et donc, chacun d'entre nous doit vouloir le bien pour les musulmans. Cela fait partie des caractéristiques de Ahl Sunnati wal Jama'a. Wanshirah al-Sadr. Ils ont la poitrine ouverte pour leurs frères. Ils sont accueillants. Wabashashat al-Wajh. Le visage souriant. Contrairement à ce qu'on peut voir parfois dans les rues. Tu vois un frère, Kamis, Lehia, le visage fermé comme pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, Akhi? Pas de sunna ou autre. C'est pas comme ça que tu vas faire. C'est pas comme ça que tu vas être une cause que la sunna elle se propage. Les musulmans, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu aies un bon comportement avec eux. Que tu ailles les voir avec un visage souriant. Ton frère, il n'a pas compris. Il a commis des actes d'innovation. Tu vas aller lui expliquer avec un visage fermé. Tu vas aller lui expliquer en lui mettant un coup de poing au visage. Tu vas faire quoi? Va le voir, souris. Salam alaikum mon frère, comment ça va? Alhamdulillah, la baisse alaik. Etc. Tu parles un peu avec lui, ensuite tu lui expliques son erreur. Il faut arrêter cette dureté mal placée. Cette dureté mal placée. Il faut arrêter ça, barakallahu fikoum. Ensuite le cheikh il continue en disant wa husnil mantiq wal karam. Le fait d'utiliser de bons mots, le fait de bien parler. Tu ne vois pas les gens de la sunna insultés ou autres lorsqu'ils parlent, presque tu entends une racaille en train de parler. Non, c'est pas ça. Normalement, lorsque tu as connu la sunna, tu dois faire attention à tes mots. Tu dois délaisser les insultes, délaisser le mauvais comportement. Cela fait partie des caractéristiques des gens de la sunna. Ne te dis pas, alhamdulillah, je suis salafi, je peux insulter. Non! Qui a dit ça? Et la générosité, le cheikh nous cite ici. Et ensuite, il nous dit, washaja'a. Et le courage. Et le courage, les frères. C'est important d'être courageux. Beaucoup, parfois, ils ont peur. Peur de dire la vérité aux gens. Peur de montrer sa position. Pourquoi? Parce que si je dis la vérité, les gens, ils vont me délaisser. Ils vont me délaisser. Une fois, il y a un frère, un imam. Je sais pas s'il est encore imam ou... Al-Muhim. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'expliques pas aux gens la vérité concernant tel et tel sujet? Il m'a dit, parce que dans la mosquée où je suis, les gens ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Alors si je leur dis, ben ils vont aller voir les dirigeants et ensuite ils vont me jeter. Subhanallah. Je lui ai dit, dis-leur la vérité. Même s'ils te font sortir de la mosquée madrouban marboutan. Même s'ils te font sortir de la mosquée en étant frappé et attaché. Dis-leur la vérité. Il faut être courageux. cette religion pousse la personne à être courageux. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Quraysh, lorsqu'ils étaient en minorité, certains se faisaient châtier. Il faut être courageux. Bilal, ce qu'il a vécu et ce qu'il a enduré, il a patienté. Le musulman doit patienter, les frères. Tu dis aux gens la vérité, de la bonne façon. Comme on a dit, tu ne vas pas les voir avec un visage fâché ou autre. De la bonne façon, tu dis la vérité. Et alhamdoulilah. S'ils acceptent, alhamdoulilah. S'ils n'acceptent pas, tu as fait ce que tu devais faire. Alhamdoulilah. Mais le fait de se taire parce qu'on a peur que les gens ou autres, non. Dis aux gens la vérité. Le cheikh, il nous dit, il a raibi dhalika min makarim al-akhlaq wa mahasiniha. Et autre que cela, parmi les bonnes mœurs, les bons comportements. Ensuite, il continue en disant, wa fil mu'amalat. Il continue donc en disant, et donc, dans les échanges entre eux, tajiduhum yu'amiluna an-nasa bis-sidq wal-bayan alladhayni ashara ilayhima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les échanges qu'ils ont entre eux, tu trouves les gens de la sunna adopter la sincérité et la clarté. Les deux caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées lorsqu'il dit al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. L'acheteur et le vendeur ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. C'est-à-dire l'acheteur, il a le choix d'acheter et le vendeur a le choix de vendre. Tant qu'ils ne se sont pas séparés, ils peuvent donc revenir sur leur position. Et ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Et si ils sont sincères et clairs, alors la bénédiction est accordée à leur échange, à leur affaire. La bénédiction, leur affaire est bénite parce qu'ils ont été sincères et clairs. Et ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bi'ihima. Et si ils mentent et cachent, commencent à cacher des choses, alors la bénédiction est enlevée de leur affaire. Wa naqsu fi hadhihi al-khasa'is la yukhriju al-insan an kawnihi min al-firqati an-najiyah. Et le fait d'avoir des manquements, le cheikh il continue en disant, et le fait d'avoir des manquements concernant ces spécificités ne fait pas la personne sortir du groupe sauvé. Lakin li kullin darajatun mimma amilu. Cependant, chacun a donc des degrés en fonction de ce qu'ils ont accompli. Wa naqsu fi janib at-tawhid rubbama yukhrijuhu 'an al-firqati an-najiyah. مثل الإخلال بالإخلاص وكذلك في البدع ربما يأتي ببدع تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية. Et donc le cheikh il nous dit, et les manquements dans le tawhid peuvent faire sortir la personne du groupe sauvé, comme les manquements dans l'intention et aussi l'innovation. Il se peut que la personne accomplisse des innovations qui le font sortir du groupe sauvé. Amma fi mas'alati al-akhlaq wal mu'amalat fala yukhrij al-ikhlal biha min hadhihi al-firqa wa in kana dhalika yanqusu martabatahu. Ensuite il dit le cheikh, tandis que les manquements dans le comportement et les échanges communs ne font pas sortir du groupe sauvé, même si cela va diminuer le rang de la personne. Tu dois faire attention. Nous devons nous concurrencer, même si, en effet, tu as connu ce que c'est la sunna. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut aller plus haut. Tu veux rester ferme sur celle-ci. Ne pas accomplir quoi que ce soit qui va te faire diminuer. Et tu sais très bien. Tu diminues jusqu'à ce que tu sortes. Rappelez-vous tout ce qu'on a vu concernant les péchés et les conséquences des péchés. Le cheikh, il continue en disant, Excusez-moi, je regarde un peu le temps. Le cheikh, il continue en disant, rahimahullah, وَقَدْ نَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ فِي مَسْأَلَةِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَخْلَاقِ اجْتِمَاعُ الْكَلِمَةِ والاتفاق والاتفاق على الحق الذي أوصانا به الله تعالى. Le cheikh il dit, certes, nous avons, il se peut qu'on ait besoin de détailler concernant le sujet du comportement. Concernant le sujet du comportement, il dit qu'on va détailler, on a besoin de détailler. Car parmi les choses les plus importantes liées au comportement, il y a le fait de s'unir sur une même parole et le fait d'unir les cœurs sur la vérité, ce que nous a recommandé, ce que nous a enjoint Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait d'unir les cœurs, les frères, c'est très important. On le dit, on le répète encore et encore. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont du mal à comprendre ce point. Alhamdoulilah, je suis sur la sunnah, alhamdoulilah. Mais je ne parle pas à un tel, je ne parle pas à un tel, je ne parle pas à un tel. Pourquoi? Oh, une fois, il s'est passé un truc, on s'est embrouillé. Une fois ci, une fois ça, etc. Les frères, il est important de s'unir sur la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala nous a enjoint l'union. Nous a enjoint l'union. Et c'est pour cela qu'on ne comprend pas parfois certains qui vont dire... Alhamdulillah, je suis avec les ulama. Je suis avec les ulama. Tu lui dis, Taïb, viens, nous allons nous entraider dans le bien. Non. Aucune cause pour augmenter l'amour entre les frères. Tu dis, mais c'est pas ça la voix des ulama. La voix des ulama, c'est pas juste être d'accord avec eux sur un sujet. Et ce fondement important, l'amour, entre nous, on le délaisse? Non. Et donc, le cheikh, il nous cite une parole, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Il vous a légiféré dans la religion. Ce qu'il a enjoint à nous, ainsi que ce que nous t'avons révélé, et ce que nous avons enjoint à Ibrahim, Moussa et Issa, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Et n'en faites pas un sujet de division. وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بارئ منهم. Et il a informé tabaraka wa ta'ala que ceux qui se sont divergés dans la religion, qui se sont divisés dans la religion et qui étaient en plusieurs groupes, plusieurs parties, que Muhammad صلى الله عليه وسلم est innocent d'eux. فقال الله عز وجل, Allah le très haut, il dit: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Certes, ceux qui ont divisé, ceux qui se sont divisés dans leur religion, et qui furent des groupes, tu es innocent d'eux. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Tu es totalement innocent d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son messager de tous ceux qui se divisent comme cela. Fattifaku al-kalima wa tilafu al-qulub min abrazi khasa'is al-firqati an-najiya ahli sunnati wal jamaa'a. Il nous dit le cheikh, l'union sur une même parole et l'union des cœurs fait partie des spécificités les plus apparentes du groupe sauvé. Ahlus sunnati wal jama'a. فهم إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن اجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء. Et donc s'il y a une divergence qui se passe entre eux à cause d'un sujet qui nécessite des efforts juridiques et des recherches, alors cela ne va pas faire que certains d'entre eux vont avoir une haine ou une animosité contre les autres. بَلْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ إِخْوَةٌ حَتَّى إِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمْ هَذَا الْخِلَافُ. Au contraire, ils ont la ferme croyance qu'ils sont frères, même s'il y a entre eux cette divergence. Il nous dit, حَتَّى إِنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ لَا يُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ وَيَرَى الْإِمَامَ أَنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ. À tel point que l'un d'entre eux, il va prier derrière un imam dont il voit que cet imam n'a pas ses ablutions, mais cet imam-là voit que lui, il a ses ablutions. Cet imam-là, lui-même, il voit que lui, il a ses ablutions. مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل. De la même façon que l'un d'entre eux va prier derrière quelqu'un qui a mangé de la viande de chameau. وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء. Et cet imam va voir que ce sujet n'annule pas les ablutions. والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء. فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام Et donc la personne va voir que cette prière derrière cet imam, elle est juste. Alors que s'il priait tout seul, il aurait vu que sa prière n'est pas juste, n'est pas correcte. Kullu hadha li'annahum yarawna anna al-khilaf an-nashi عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف. Tout cela, pourquoi? Parce qu'ils voient que les divergences qui sont liées à des sujets dans lesquels il peut y avoir divergence, des sujets liés à des efforts, des recherches juridiques, ils disent cela, en réalité, ce n'est pas une divergence. لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي يجوز له لا يجوز له العدول عنه. Car chacun des deux parties opposées voit qu'il a en réalité suivi ce qu'il devait suivre comme preuve qu'il ne lui est pas permis de délaisser. Chacun a sa preuve. Moi j'ai ma preuve. Toi tu as ta preuve. On va se diviser pour ce sujet? Non. Ensuite, il continue en disant le Cheikh rahimahullah. فَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ أَخَاهُمْ إِذَا خَالَفَهُمْ فِي عَمَلٍ مَا اتِّبَاعًا لِلدَّلِيلِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ وَافَقَهُمْ. Et donc, eux, ils voient que leur frère qui a divergé d'eux, il s'est opposé à eux dans un acte spécifique en suivant une preuve, alors, en réalité, il est en accord avec eux. Il est en accord avec eux. Pourquoi ? لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى اتِّبَاعِ الدَّلِيلِ إِنَّمَا كَانَ. Parce qu'en réalité, tous les deux, ils appellent au fait de suivre la preuve. C'est là qu'on regarde la distinction entre les gens de la sunna et les gens de la bida. Et donc, pourquoi ils ne se divisent pas ? Parce qu'ils appellent tous au fait de suivre la preuve. فَإِذَا خَالَفَهُمْ مُوَافَقَةً لِدَلِيلٍ عِنْدَهُ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ وَافَقَهُمْ. Et donc, si il s'oppose à eux à cause d'une preuve qu'il voit pour lui, alors en réalité, il est en accord avec lui. Et donc, ce qui est voulu par là, il est en accord avec lui dans la base de la recherche. Le fait de chercher la preuve pour avoir un jugement. Pas le fait d'avoir un avis, puis chercher une preuve qui conforte mon avis. Les deux sujets sont totalement différents. Les deux sujets sont totalement différents. Barakallahu fikoum. Nous, donc ça continue encore, le Cheikh Le cheikh, après, il cite des exemples par rapport à cela, qui se sont passés avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va donc citer cet exemple, ce qui s'est passé avec les compagnons, et après on va arrêter là. Bi-ibnillahi ta'ala. Et donc le cheikh, il nous dit, « وَلَا يَخْفَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا حَصَلَ مِنَ الْخِلَافِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف احدا منهم. Et certes, les gens de science savent ce qui s'est passé comme divergence parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم dans ce genre de sujet, même à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, et il n'a réprimandé aucun. فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il est revenu de la bataille de l'Ahzab, des groupes, Jibril est venu à lui et lui a montré qu'il devait donc aller vers Beni Qurayza, ceux qui avaient rompu le pacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc motivé les compagnons, et il leur a dit que aucun d'entre vous n'accomplisse la prière du Asr ailleurs que chez Beni Qurayza. Fa kharaju min al-Madinati ila Beni Qurayza wa arhaqathum salatul Asr. Ils sont donc, les compagnons sont donc partis. Ils ont donc quitté Médine vers Beni Qurayza jusqu'à ce que l'heure du Asr arrive. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَنِي قُرَيْضَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. Et donc parmi eux, il y en a qui ont retardé le temps de la prière du Asr jusqu'à ce qu'ils arrivent à Beni Qurayza après le temps de la prière du Asr. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. Pourquoi? Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit que aucun d'entre vous n'accomplisse la prière du Asr ailleurs que chez Beni قريظة. ومنهم من صلى الصلاة في وقتها. Et parmi eux, certains qui ont accompli la prière en son temps. قال إِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ وَقَالَ إِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنَّا الْمُبَادَرَةَ إِلَى الْخُرُوجِ. Et donc il disait en cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit cela pour qu'ils accourent dans le début du voyage, se précipitaient donc à débuter leur voyage. وَلَمْ يُرِدْ مِنَّا أَن نُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا. Et donc le prophète, il argumente en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que on fasse la prière sortir de son temps. وَهَؤُلَاءِ مُصِيبُونَ. Le cheikh nous dit, et ceux-là, ce deuxième groupe, parmi les compagnons, ce sont eux qui ont raison. وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يُعَنِّفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَدًا مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ. Et malgré cela, le prophète صلى الله عليه وسلم n'a blâmé aucun des deux groupes. وَلَمْ يَحْمِلْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الْآخَرِ عَدَاوَةً أَوْ بَغْضًا بِسَبَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي فَهْمِ هَذَا النَّصِّ. Et aucun des deux groupes n'a ressenti de l'animosité ou de la haine contre l'autre à cause de la divergence qu'il y a eu entre eux concernant ce texte. Lida. Ara anna al-wajib 'ala al-muslimin alladhina yantasibuna ila sunnah an yakunu ummatan wahida. Le cheikh nous dit, c'est pour cela que je vois qu'il est obligatoire aux musulmans qui se disent de la sunnah d'être une seule communauté, un seul groupe, wa an la yahsul baynahum tahazzub, et qu'il n'y ait pas parmi eux de sectarisme. Qu'est-ce que le sectarisme? Ma huwa tahazzub? Qu'est-ce que le sectarisme? Souvent dit foulen, hizbi, un tel c'est un hizbi, un tel c'est un sectaire. Taïb, ça veut dire quoi? Une fois j'étais à Médine, on jeûnait, et vous savez, au Masjid Nabawi, ils mettent les dates, etc. Par terre, je m'installe, il y a un frère qui vient me voir, il me dit, t'assieds pas là. Je dis pourquoi? Il me dit c'est des hizbiyoun. C'est des hizbiyoun. Je lui regardais, j'ai dit ça veut dire quoi hizbi? Il a commencé à chercher. Ça veut dire quoi hizbi? Alors hizbi, al-hizbiya, le cheikh Rabi' il dit, hafidhahullahu ta'ala, at-ta'assubu li qawlin aw fikrin mukhalifin lil kitabi was sunnah wa bina'ul wala'i wal bara'i alayhi. Le sectarisme, c'est le fait de s'accrocher aveuglément à une parole ou une idéologie contraire au Coran et à la Sunna, et en plus de cela, appliquer l'alliance et le désaveu pour cette idéologie ou cette parole. Non? En arabe, at-ta'assubu li qawlin aw fikrin mukhalifin lil kitabi was sunnah wa bina'ul bara' al wala'i wal bara'i alayhi. Exemple. Mise en garde contre plusieurs personnes sans aucune preuve. Sans aucune preuve, bête à droite à gauche, sans aucune preuve valable. Et après derrière, en plus de cela, on va appliquer l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire que toute personne qui n'est pas d'accord avec nous, on le bête derrière aussi. Allez hop. Allez, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Toute personne qui n'est pas d'accord avec nous. Attention, je dis bien sans preuve. C'est ça le sectarisme. C'est ça le sectarisme. Et donc le cheikh il nous dit فَهَذَا يَنْتَمِي إِلَى طَائِفَةٍ وَالْآخَرِ إِلَى طَائِفَةٍ أُخْرَى وَالثَّالِثِ إِلَى طَائِفَةٍ ثَالِثَةٍ. Et donc l'un il va pencher vers un groupe, un deuxième va pencher vers un deuxième groupe, et un troisième va pencher vers un troisième groupe. وَهَكَذَا بِحَيْثُ يَتَنَاحَرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِأَسَلَةِ الْأَلْسُنِ. Et comme ça, jusqu'à ce qu'ils bataillent entre eux avec أَسَلَةِ الْأَلْسُنِ. C'est quoi أَسَلَةِ الْأَلْسُنِ? Ah, j'ai cherché. Je pensais que c'était Esliha et qu'il manquait le ha. Et donc, dans les livres de Tajwid, ils disent que les anciens savants du Tajwid, ils disaient Esalat il al-sun, c'est-à-dire le bout de la langue. Le bout de la langue. Et donc, ils vont se battre entre eux avec les langues. Ils vont batailler entre eux par la langue. وَيَتَعَادَوْنَ وَيَتَبَارَدُونَ مِنْ أَجْلِ خِلَافٍ يَسُورُ فِيهِ الْإِجْتِهَادِ. Et donc, ils vont avoir de l'animosité et de la haine à cause d'une divergence dans laquelle les recherches et les efforts juridiques sont permis. وَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ أَخُصَّ كُلَّ طَائِفَةٍ بِعِنِهَا. Et il n'y a pas besoin que je cite spécifiquement chaque groupe. وَلَكِنَ الْعَقِلُ يَفْهَمْ وَيَتَبَيَّنُ لَهُ الْأَمْرُ. Cependant, celui qui raisonne comprend clairement le sujet. Petite conclusion de cette ligne, je la lis. Et comme ça, on finit, Inch'Allah. Taïb, ça fait 47 minutes, donc on finit. بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. فَأَرَى, le shaykh nous dit, فَأَرَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ يَتَّحِدُوا حتى وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. Et donc le cheikh il nous dit, je vois que les gens de la sunna et du groupe, il est impératif qu'ils s'unissent, même s'ils divergent dans des sujets qui, vont impliquer donc cette divergence en fonction de leur compréhension des textes. Mais cela est simple. Là, on parle, les frères, attention, j'attire votre attention, on ne parle pas de tous les sujets. On parle des sujets dans lesquels la division est permise. Dans lesquels la divergence est permise. Les sujets de jurisprudence. Par exemple, est-ce que après le recours, tu vas monter, Sami Allahu liman hamida, tu vas mettre tes mains ici ou ici? Tu vas pas venir bedder ton frère à cause de ça. C'est un sujet où il y a eu des efforts juridiques venant des savants. Chacun a donné son avis. Toi, tu penches plus vers tel avis ou un autre. Yarhamukallah. Tu ne vas pas ressentir de l'animosité envers tes frères. Contrairement au sujet où une personne va contredire les fondements de la sunna. Là, c'est pas la même chose. Là, tu dois défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Défendre les fondements de la sunna. Ça, c'est important. Ensuite, le cheikh, il nous dit, wal muhim, itilaful kulub wa tihadul kalima. Et donc, ce qui est important, c'est l'union des cœurs et l'union sur une même parole. Wala raiba anna a'da al-muslimin. Wala raiba anna a'da al-muslimin yuhibbuna min al-muslimin an yatafarraqu sawa'an kanu a'da an yusarrihuna bil-adawa aw a'da an yatadhaharuna bil-walayati lil-muslimin. Et il n'y a nul doute sur le fait que les ennemis des musulmans aiment que ceux-ci se divisent, même si ces ennemis montrent clairement leur animosité. Ou alors, ils se montrent en ayant une forme d'alliance ou d'amour pour les musulmans. Ou l'islam, donc pour les musulmans, ou pour l'islam. Wahum leisu kedelik, alors qu'ils ne sont pas comme cela. Fel wajibu an natamayyaza bihadihi almiza allati hiya mizatu at-ta'ifati an-najiya wa hiya al-ittifaq ala kalimatin wahida. Le cheikh, il finit en disant, et donc, il est obligatoire que l'on se distingue des autres par ce caractère qui est spécifique et propre aux gens de qui est spécifique au propre et est propre au groupe sauvé. Qu'est-ce que ce caractère? C'est l'union sur une même parole. L'union, le fait de s'unir. Et pour finir, moi, je vais vous citer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien et interdisent le blâmable, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône. Ils obéissent à Allah et à son messager. Ceux-là, à ceux-ci, Allah fera miséricorde. À ceux-ci, Allah fera miséricorde. À ceux-ci, Allah fera miséricorde. Ceux qui sont caractérisés par tous ces points que nous avons cités précédemment. Certes, Allah est tout-puissant et sage. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Excusez-moi pour la durée du cours, mais le sujet est très très important. Wa faqallahu al-jami'.